Chapitre 16e. Pendant quelques instants, la lutte entre les deux hommes continua furieuse. Ikuteruka, malgré son courage, se croyait bien perdu, car ses forces, épuisées par un long jeûne et aussi par l'immobilité qu'il avait dû conserver dans la caisse, le trahissaient peu à peu. Le maître sans nom, un rictus de triomphe sauvage aux lèvres, parvint à faire rouler Ikuteruka sous lui. Il arracha le poignard suspendu à la ceinture du détective et leva le bras pour frapper. Mais le désespoir rendit sur une seconde son ancienne vigueur au grand détective. Profitant de ce que le maître sans nom pour le frapper ne le maintint plus que d'une main, il le renversa d'une formidable secousse, et avant que le bandit ait repris son équilibre, Ikuteruka, d'un coup de talon en pleine face, le fit rouler contre la portière. Le maître sans nom resta pendant un court instant étourdi par le choc. Ikuteruka ne lui laissa pas le temps de s'en remettre. Ayant ouvert la portière, le grand détective, d'une poussée, lança le mystérieux bandit hors du wagon. Un hurlement qui se confondit heureusement avec un coup de sifflet lancé par la locomotive retentit dans la nuit. Ikuteruka, de ses dernières forces, referma la portière et se laissa tomber sur la banquette capitonnée. Il resta ainsi immobile, haletant, pendant plusieurs minutes. Tout son corps tremblait encore de l'effroyable effort qu'il avait dû soutenir. Enfin, quelques forces lui revinrent peu à peu. Il réajusta sur lui les vêtements enlevés au maître sans nom et examina le compartiment. Dans le filet, un large coffret de bois laqué à coin de bronze était posé. Ikuteruka l'attira à lui et vit qu'il était fermé à clé. Machinalement, il fouilla ses poches et y trouva un trousseau de clés de cuivre doré dont l'une s'adaptait parfaitement à la serrure. Ikuteruka ouvrit le coffret. Il contenait des paquets d'herbes desséchées ainsi que plusieurs flacons renfermés dans des étuis d'ivoire et sur lesquels des étiquettes de parchemin étaient collées. Ikuteruka connaissait parfaitement le chinois. Il lut les notices et sut ainsi qu'un autre contenait un poison mortel déterminant la mort au bout de 8 jours si un contrepoison spécial renfermé dans une troisième fiole n'était pas administré. « C'est bien ce que je pensais, » murmura le grand détective. « C'est de ce poison que l'on a fait absorber à Mitsui Jinzo pour le tenir à discrétion. Le malheureux, craignant de mourir, a fait tout ce que voulait ce scélérat de Heng. Mais cela va servir. » Ikuteruka prit les deux fioles, le poison et le contrepoison, et par le marchepied, regagna le compartiment voisin où il avait laissé le petit homme borgne qui lui avait fourni de si utiles renseignements. Il s'approcha de lui et le débâillonna en lui montrant son poignard. Le petit borgne comprit ce que cela voulait dire et se tint quoi. Ikuteruka, lui ayant appuyé la pointe de son poignard sur l'artère carotide, l'obligea, sous peine de mort immédiate, à avaler la moitié du contenu du poison. Puis il lui fit voir l'étiquette de la fiole en disant « Rends-toi bien compte, l'ami. Tu viens d'absorber un poison mortel que j'ai pris dans la boîte du maître sans nom. Comme tu le vois, je possède un second flacon rempli de contrepoison. Si tu fais ce que je te dis, dans les 48 heures, je te ferai boire le breuvage sauveur. Sinon, tu périras irrémédiablement et tu dois savoir que tu ne seras pas le premier, n'est-ce pas ?»« Oui, seigneur, » balbutia le borgne, qui était devenu verdâtre. « Je connais le poison du maître. »« Bon, eh bien, si tu veux que je te donne le contrepoison, tu devras m'obéir en tout et affirmer à tout le monde que c'est moi, le maître sans nom. L'on te croira, puisque je mettrai le voile violet du maître, et qu'il sera impossible de voir mon visage. Quant au maître lui-même, rassure-toi sur son compte. Je l'ai tué et jeté sur la voie, et j'ai pris ses vêtements, ce qui est la meilleure preuve que je dis la vérité. Son secrétaire a pris le même chemin, donc, c'est entendu, tu obéiras. Oui, maître. Ton nom ? Chou-Fou. À la première station, je t'appellerai et te donnerai mes ordres que tu transmettras à Heng. Et tant pis pour toi si tu trahis. Ah, maître, vous êtes mon père et ma mère. Je me roule humblement et honteusement à vos pieds glorieux, affirma le borgne. Je ne t'en demande pas tant, affirma Ikuteruka, qui, sans ajouter un mot, débarrassa le borgne de ses liens et regagna son compartiment. Il referma le coffret de laque, et s'étant étendu sur la banquette, abaissa le voile violet sur son visage et ne tarda pas à s'endormir. Un choc brusque le réveilla en sursaut.